Pendant ce temps, le major escomptait, chez un changeur, des traites que Glenarvan avait sur l'Union Bank de Melbourne. Il ne voulait pas être dépourvu d'or, non plus que d'armes et de munitions. Aussi renouvela-t-il son arsenal. Quant à Paganel, il se procura une excellente carte de la Nouvelle-Zélande. Après avoir constaté le passage des bandits, une seule formalité restait à remplir, la déclaration au constable des événements qui venaient de s'accomplir. Elle fut faite le soir même par Glenarvan. Ce magistrat était tout simplement ravi du départ de Ben Joyce et de sa bande. Cette importante nouvelle fut immédiatement télégraphiée aux autorités de Melbourne et de Sydney. Les voyageurs passèrent tristement cette dernière soirée. Paganel, lui, était en proie à une agitation fébrile. « Monsieur Paganel, lui dit John, vous avez un sourire qui vous étouffe. Vous êtes joyeux et désespéré à la fois ?»« Oui, joyeux et désespéré d'aller visiter la Nouvelle-Zélande. » « Est-ce que vous auriez quelques indices ?» demanda vivement John Mangles. « Est-ce que vous avez repris la piste perdue ?»« Non, ami John, on ne revient pas de la Nouvelle-Zélande. »« Mais, cependant, enfin, vous connaissez la nature humaine. Il suffit qu'on respire pour respirer. Et ma devise, c'est « Spiro, spero ». Le lendemain, 29 janvier, à midi et demi, on appareilla. Mais le brick avançait à peine. À 7h du soir, on perdit de vue les côtes de l'Australie et le feu fixe du port d'Éden. La pluie étant violente, les passagers se virent condamnés à un emprisonnement rigoureux. De son côté, Paganel revenait toujours à l'interprétation du document. « Contine, contine, » répétait-il, « cela veut pourtant dire continent. » Ainsi, Paganel avait refait dans son esprit l'histoire de la Nouvelle-Zélande, mais rien dans cette histoire ne permettait de qualifier de continent cette contrée composée de deux îles.